Emma Orsi, Lady Molly de Scotland Yard. Une journée d'égarement. 1. Je ne pense pas que quiconque n'ait jamais su que la véritable élucidation de l'extraordinaire mystère, connu des lecteurs de journaux sous le nom de « Le scandale de Somersetshire », soit due à l'intuition et la rapidité d'esprit de Milady. En fait, jusqu'à ce jour, en ce qui concerne le public, le scandale de Somersetshire n'a jamais été correctement expliqué. Et c'est une manie pour les détracteurs de la police de pointer cette affaire comme un exemple d'incompétence crasse de la part de notre département de détectives. Une jeune femme, nommée Jane Turner, en visite à Weston-super-Mer, avait été découverte un après-midi dans un état d'impuissance, ligotée et bâillonnée, souffrant de terreur et d'inanition, dans la chambre qu'elle occupait dans un appartement bien connu de cette ville. La police avait été immédiatement appelée et dès que Mademoiselle Turner avait repris ses esprits, elle avait donné les explications qu'elle pouvait sur ce mystérieux événement. Elle était employée dans l'un des grands magasins de draperie de Bristol et passait ses vacances annuelles à Weston-super-Mer. Son père est le boucher local de Banwell, un village situé à environ 4 miles de Weston, et il semble que le vendredi 3 septembre, vers 13h, elle était occupée dans sa chambre à rassembler quelques affaires dans un sac à main avant d'aller à Banwell pour rendre visite à ses parents pendant le week-end. On frappe à sa porte et une voix dit « C'est moi, Jane, puis-je entrer ?» Elle ne reconnaît pas la voix, mais pense que c'est celle d'un ami et crie « Entrez !» C'est tout ce dont la malheureuse se souvient avec certitude, car l'instant d'après, la porte fut ouverte, quelqu'un se précipita sur elle avec une violence inouïe, elle entendit le fracas d'une table qui tombe et sentit un coup sur le côté de sa tête, tandis qu'un mouchoir humide était pressé sur son nez et sa bouche. Puis, elle ne se souvient plus de rien. Lorsqu'elle reprit peu à peu ses esprits, elle se retrouva dans la terrible situation dans laquelle Madame Skeward, sa logeuse, la découvrit 24 heures plus tard. Lorsqu'on la pressa d'essayer de décrire son agresseur, elle dit que lorsque la porte s'ouvrit, elle avait cru voir une femme âgée, vêtue d'un large manteau et portant un chapeau et un voile, mais qu'en même temps, elle était tout à fait sûre, à cause de la force et de la brutalité de l'assaut, qu'elle avait été attaquée par un homme. Elle n'avait pas d'ennemis ni de biens dignes d'être volés. Mais son sac à main, qui ne contenait pourtant que quelques bagatelles sans valeur, avait disparu. Les habitants de la maison, quant à eux, n'ont pas pu éclaircir le mystère qui entourait cette agression tout à fait extraordinaire et apparemment sans mobile. Madame Skeward s'est seulement souvenue que, le vendredi, Mademoiselle Turner lui avait dit qu'elle partait pour Banwell et qu'elle serait absente pour le week-end, mais qu'elle souhaitait garder sa chambre en prévision de son retour le lundi suivant. Il était environ midi et demi, à l'heure où l'on préparait les déjeuners pour les différents locataires. Il n'est donc pas étonnant que personne dans l'immeuble ne se soit inquiété de savoir si Mademoiselle Turner avait quitté la maison, et il ne fait aucun doute que la malheureuse serait demeurée dans l'état pitoyable dans lequel elle a finalement été trouvée pendant plusieurs jours si Madame Skeward n'était pas empreinte de la cupidité propre à ceux de son espèce. Weston-super-Mer était plein à craquer ce week-end-là et Madame Skeward, assaillie de demandes d'hébergement, ne voyait pas pourquoi elle ne louerait pas la chambre de sa locataire absente pour la nuit ou les deux nuits durant son absence, ce qui lui rapporterait deux fois plus d'argent. Le samedi après-midi, elle conduisit un visiteur dans la chambre de Mademoiselle Turner et, en ouvrant la porte, qui, soit dit en passant, n'était pas fermée à clé, elle fut horrifiée de voir la pauvre fille à moitié assise, à moitié glissant de la chaise, à laquelle elle avait été attachée avec une corde, tandis qu'un châle de laine était enroulé autour de la partie inférieure de son visage. Dès qu'elle eut détaché la malheureuse victime, Madame Skeward envoya chercher la police, et c'est grâce aux efforts de l'inspecteur Parsons, un homme de la région, que quelques bribes d'indices furent recueillies à ce moment-là. Tout d'abord, il y avait la question de la femme âgée au large manteau dont Jane Turner avait parlé comme étant son agresseur. Il semble que quelqu'un correspondant à cette description se soit présenté le vendredi vers 13h et ait demandé à voir Mademoiselle Turner. La bonne qui a ouvert la porte a répondu qu'elle pensait que Mademoiselle Turner était partie à Banwell. « Oh !» avait dit la vieille dame, « elle n'est pas encore partie. Je suis la mère de Mademoiselle Turner et je devais l'appeler pour que nous puissions voyager ensemble. » « Alors, peut-être que Mademoiselle Turner est encore dans sa chambre, » suggéra la bonniche. « Dois-je aller voir ?»« Ne vous inquiétez pas, » répondit la femme, « je connais le chemin, j'irai moi-même. » La vieille dame passa alors devant la domestique, traversa le hall et monta à l'étage. Personne ne la vit redescendre, mais l'un des locataires aurait entendu frapper à la porte de Jane Turner et une voix féminine dire « C'est moi, Jane, puis-je entrer ?» Ce qui s'est passé par la suite, qui était cette mystérieuse vieille femme, comment et dans quel but elle a agressé Jane Turner et l'a dépouillée de quelques articles sans valeur, et l'énigme à laquelle la police a été confrontée à l'époque, et qui, en ce qui concerne le public, n'a jamais été résolue. La mère de Jane Turner était alitée à l'époque, souffrant d'une cheville cassée et incapable de bouger. La femme âgée était donc une usurpatrice, et les recherches, bien qu'elles aient été assez vives à l'époque, je vous assure, sont restées, aux yeux du public, absolument infructueuses. Mais nous en reparlerons plus tard. Sur la scène même du crime, il n'y avait pas grand-chose pour guider l'enquête ultérieure. La corde avec laquelle Jane Turner avait été ligotée ne fournissait aucun indice. Le châle de laine était celui de Mademoiselle Turner, arraché par le malfaiteur pour étouffer les cris de la jeune fille. Sur le sol se trouvait un mouchoir, sans initiale ni marque de laverie, qui avait manifestement été imbibé de chloroforme, et tout près, une bouteille qui avait contenu l'anesthésique. Une petite table était renversée et les objets qui y étaient posés gisaient tout autour, tels qu'un vase qui avait contenu quelques fleurs, une boîte de biscuits et plusieurs numéros du West of England Times. Et rien de plus, le malfaiteur ayant atteint son but avait réussi manifestement à sortir de la maison sans être vu. Sa sortie fut sans doute facilitée par le fait que tout le monde était en train de déjeuner. Diverses théories furent, bien entendu, avancées par certains de nos plus habiles collègues du Yard. La solution la plus probable étant la culpabilité, ou du moins la complicité de l'amoureux de la jeune fille, Arthur Cutbush, un bon arien qui passait la majeure partie de son temps sur les hippodromes. L'inspecteur d'Anvers, que le chef avait envoyé pour assister la police locale, avança que Jane Turner elle-même soupçonnait son amoureux et essayait de le protéger en déclarant qu'elle ne possédait rien de valeur. Alors que, sans aucun doute, le jeune bandit savait qu'elle avait de l'argent et avait planifié ce coup étonnant pour le lui voler. Danvers fut très contrarié lorsque, après enquête, il fut prouvé qu'Arthur Cutbush s'était rendu aux courses de York 3 jours avant l'agression et n'avait jamais quitté la ville jusqu'au samedi soir lorsqu'un télégramme de Mademoiselle Turner l'avait convoqué à Weston. En outre, la jeune fille n'avait pas rompu ses fiançailles avec le jeune Cutbush, de sorte que l'absence totale de mobile constituait un obstacle sérieux à la vraisemblance de la théorie. C'est alors que le chef fit venir Lady Molly. Il avait sans doute commencé à penser qu'il s'agissait là aussi d'un cas où le tact féminin et la merveilleuse intuition de ma chère Lady pouvaient s'avérer plus utiles que les méthodes plus approuvées du sexe fort. Chapitre 2. Bien sûr, il y a une femme dans cette affaire, mais, me dit Lady Molly lorsqu'elle fut rentrée de son entrevue avec le chef, bien qu'ils aient tous rejeté cette théorie au Yard et déclaré que la voix féminine, entendue par 2 témoins prêts à le jurer, était une voix déguisée. Tu penses donc qu'une femme a agressé Jane Turner ? Eh bien, répondit-elle d'une façon quelque peu évasive, si un homme prend une voix féminine, il en résulte un ton aigu peu naturel. Et cela, j'en suis convaincu, aurait frappé soit la bonne, soit le pensionnaire, soit les deux, comme étant étrange. Telle était la ligne de pensée que nous suivions, Milady et moi, lorsque, avec ce brusque changement d'attitude qui lui est si caractéristique, elle me dit brusquement « Mary, cherche un train pour Weston-super-Mer. Nous devons essayer d'y aller ce soir. » « Les ordres du chef ? » demandai-je. « Non, les miens, » répondit-elle laconiquement. « Où est l'indicateur des horaires ?» Eh bien, nous sommes partis l'après-midi même et le soir, nous dînions au Grand Hôtel à Weston-super-Mer. Ma chère Lady avait réfléchi pendant tout le trajet et même maintenant, elle était singulièrement silencieuse et absorbée. Ses yeux étaient profondément froncés et, de temps à autre, les billes sombres et lumineuses se voilaient brusquement et les pupilles se contractaient comme si elles étaient frappées par une lumière soudaine. Je n'étais pas loin de me demander ce qui se passait dans son cerveau actif, mais mon expérience m'avait appris que le silence était la carte la plus sûre à jouer. Lady Molly nous avait inscrites dans le livre de l'hôtel sous les noms de Madame Walter Bell et de Mademoiselle Granard de Londres. Et le lendemain de notre arrivée, elle reçut deux lourds colis sous ce nom. Elle les fit monter dans notre salon privé et nous les défîmes ensemble. À mon grand étonnement, ils contenaient des piles de journaux. D'après ce que j'ai pu voir d'un coup d'œil, des numéros antérieurs du West of England Times couvrant une année entière. « Cherche et découpe la colonne petites annonces de chaque numéro, Mary, » me dit Lady Molly. « Je les examinerai à mon retour. Je vais me promener et je serai rentrée à l'heure du déjeuner. » Je savais, bien sûr, qu'elle était concentrée sur ses affaires et sur elle seule, et dès qu'elle fut sortie, je me mis à la tâche fastidieuse qu'elle m'avait confiée. Ma chère Lady était manifestement en train de réfléchir à un problème dont elle espérait trouver la solution dans un ancien numéro du West of England Times. Lorsqu'elle revint, j'avais déjà classé et enregistré la colonne « Petites annonces » de quelques 300 numéros du journal pour qu'elle puisse en prendre connaissance. Elle me remercia de ma promptitude par un de ses charmants regards, mais ne dit rien, ou presque, pendant tout le déjeuner. Après le repas, elle se mit au travail. Je la voyais étudier minutieusement chaque bout de papier, les comparant l'un à l'autre, les rangeant par série devant elle et y inscrivant de rares notes tout au long du processus. Après une brève pause pour le thé, elle resta assise à sa table pendant près de 4 heures, à la fin desquelles elle écarta tous les bouts de papier, à l'exception de quelques-uns qu'elle gardait dans sa main. Puis elle leva les yeux vers moi et j'ai poussé un soupir de soulagement. Ma chère Lady était tout à fait rayonnante. « Tu as trouvé ce que tu voulais ?» demandai-je avec impatience. « Ce que j'attendais, » répondit-elle. « Puis-je savoir ?» Elle étala les morceaux de papier devant moi. Il y en avait 6 en tout, et dans chacune de ces colonnes, un paragraphe était spécialement marqué d'une croix. « Ne regarde que les paragraphes que j'ai cochés, » dit-elle. J'ai fait ce qu'elle m'avait dit. Mais si, au fond de moi, j'avais vaguement espéré être confronté à la solution du mystère qui entourait le scandale du Somersetshire, j'étais condamné à la déception. Chacun des paragraphes cochés dans les colonnes Petites annonces portait les initiales HSH et leur objet était invariablement une rencontre dans l'une des petites gares ferroviaires sur la ligne entre Bristol et Weston. Je suppose que mon ahurissement devait être extrêmement comique, car le rire perlé de Milady résonna dans le salon nu et terne de l'hôtel. « Tu ne vois pas, Mary ? » demanda-t-elle gaiement. « J'avoue que non, » répondis-je, « je suis complètement déconcertée. » « Et pourtant, » dit-elle plus gravement, « ces quelques paragraphes insignifiants m'ont donné la clé de la mystérieuse agression de Jane Turner, qui a intrigué nos collègues du Yard pendant plus de 3 semaines. « Mais comment ? Je ne comprends pas. Tu comprendras, Mary, dès que nous serons rentrés en ville. Pendant ma promenade matinale, j'ai appris tout ce que je voulais savoir et maintenant, ces paragraphes m'ont rassuré. Chapitre 3. Le lendemain, nous étions de retour en ville. Pour commencer, à Bristol, nous avions acheté un journal londonien du matin qui contenait en page centrale un court article sous les titres surprenants suivants. Le scandale du Somersetshire. Découverte étonnante par la police. Un indice inattendu. L'article poursuivait en disant « Nous sommes officiellement informés que la police a récemment pris connaissance de certains faits qui établissent sans l'ombre d'un doute le mobile de l'agression brutale commise sur la personne de Mademoiselle Jane Turner. Nous ne sommes pas autorisés à en dire plus pour l'instant, si ce n'est que certains développements surprenants sont imminents. » En chemin, ma chère Lady m'avait initiée à certaines de ses vues sur l'affaire elle-même, qu'elle avait maintenant entièrement prise en main, à la demande du chef, ainsi qu'à ses projets immédiats, dont l'article ci-dessus n'était que la préface. C'est elle qui avait officiellement informé la presse, et il va sans dire que la nouvelle avait été publiée dans la plupart des quotidiens londoniens et provinciaux. L'exactitude de son intuition et la justesse de son plan furent démontrées dans les 4 heures et 20 minutes qui suivirent, dans notre petit appartement, lorsque notre Émilie, l'air un peu important et impressionné, annonça son Altesse Sérénissime, la comtesse de Hohengebirg. HSH, les initiales bien visibles dans les colonnes Petites Annonces, West of England Times. Vous pouvez imaginer comme je regardais fixement l'exquise apparition, toute de dentelle, de mousseline et de rose, qui, l'instant d'après, pénétrait dans notre bureau, passant à côté de la pauvre Émilie, bouche bée. Ma chère Lady avait-elle perdu la raison en suggérant que cette belle jeune femme aux cheveux doux et clairs, aux yeux bleus suppliants et à la bouche enfantine, avait quelque chose à voir avec l'agression brutale d'une vendeuse ? La jeune comtesse serra la main de Lady Molly et la mienne, puis, avec un profond soupir, elle s'enfonça dans le confortable fauteuil que je lui offrais. S'exprimant avec beaucoup d'hésitation, mais toujours sur le ton doux d'un enfant qui sait qu'il a été méchant, elle commença par expliquer qu'elle était allée à Scotland Yard, où un homme très charmant, le chef, je suppose, avait été très gentil et l'avait envoyée ici, où il lui avait promis qu'elle trouverait de l'aide, de la consolation, dans ses terribles, terribles ennuis. Encouragée par Lady Molly, elle se plongea bientôt dans son récit, une histoire pathétique de sa propre frivolité et de sa bêtise. Elle était à l'origine Lady Muriel Wolfe Strongham, fille du duc de Weston, et avait rencontré, à peine sortie de l'école, le grand-duc de Starkburnham qui tomba amoureux d'elle et l'épousa. Il s'agissait d'une union morganatique, le grand-duc conférant à son épouse anglaise le titre de comtesse de Hohengebirg et le rang d'altesse sérénissime. Il semble qu'au début, le mariage ait été assez heureux, malgré l'animosité de la mère et de la sœur du grand-duc, la grande duchesse Douairière estimant que toutes les jeunes filles anglaises étaient bruyantes et peu féminines, et la princesse Amalie voyant dans le mariage de son frère un obstacle sérieux à la réalisation de ses propres espoirs matrimoniaux très ambitieux. « Elle ne me supporte pas parce que je ne tricote pas de chaussettes et que je ne sais pas faire de gâteaux aux amandes !» dit la chère petite Altesse Sérénissime en fixant le beau et grave visage de Lady Molly. « Et elles seront si heureuses d'assister à un véritable éloignement entre mon mari et moi !» Apparemment, l'année dernière, alors que le grand-duc faisait sa cure annuelle à Marienbad, la comtesse d'Hohengebirg s'était rendue à Folkestone pour le bien de la santé de son petit garçon. Elle séjourna dans l'un des hôtels de la ville, comme n'importe quelle dame anglaise fortunée pourrait le faire, avec des infirmières et sa propre femme de chambre, bien sûr, mais sans la panoplie et les désagréments de sa suite allemande habituelle. elle y rencontra une vieille connaissance de son père, un certain M. Humbold, riche financier, semble-t-il, qui avait déjà fréquenté la meilleure société, mais dont la réputation avait beaucoup souffert récemment, en raison d'une affaire de divorce dont on avait beaucoup parlé et qui avait quelque peu terni son nom. Son Altesse Sérénissime, en essuyant ses yeux bleus, assura Lady Molly qu'au château de Starkburg, elle ne lisait pas les journaux anglais et qu'elle ignorait donc tout à fait que M. Humbold, qui était persona grata dans la maison de son père, n'était plus une connaissance convenable et appropriée pour elle. « C'était une très belle matinée, » poursuivit-elle avec une douce émotion, « et je m'ennuyais mortellement à Folkestone. M. Humbold m'a persuadé de faire avec lui un petit voyage sur son yacht. » Nous devions traverser jusqu'à Boulogne, y déjeuner et rentrer à la maison dans la fraîcheur du soir. Et bien sûr, le yacht a subi une avarie, conclut gravement Lady Molly, alors que la dame elle-même s'était interrompue dans son récit. Bien sûr, murmura la petite comtesse à travers ses sanglots. Et bien sûr, il était trop tard pour revenir par le bateau postal de l'après-midi. Ce bateau était parti une heure auparavant et le suivant n'est parti qu'au milieu de la nuit. Vous avez donc dû attendre jusqu'à ce moment-là et, entre-temps, vous avez été aperçu par une fille nommée Jane Turner qui vous connaissait de vue et qui vous a fait chanter depuis lors. Comment avez-vous deviné cela ? S'écria son Altesse avec un regard d'ahurissement si comique dans ses grands yeux bleus que Lady Molly et moi-même fûmes obligés de rire. « Eh bien, répondit ma chère Lady au bout d'un moment en reprenant sa gravité, nous avons l'habitude dans notre profession de faire le lien entre deux choses, n'est-ce pas ? Et dans ce cas, ce n'était pas très difficile. Les assignations pour des réunions secrètes dans des gares éloignées qui ont été adressées à HSH dans les colonnes du West of England Times récemment m'ont donné un indice, si l'on peut dire. L'agression mystérieuse d'une jeune femme, dont la maison était proche de ces mêmes gares, ainsi que du château de Bristol, la résidence de vos parents, où vous avez souvent séjourné ces derniers temps, était une autre pièce du puzzle. Tandis que le nombre d'exemplaires du West of England Times trouvés dans la chambre de cette même jeune femme a contribué à attirer mon attention sur elle. Et puis, votre visite d'aujourd'hui, c'est très simple, vous voyez ? Je suppose que oui, dit HSH avec un soupir. Mais c'est encore pire que vous ne le pensez, car cette horrible Jane Turner, avec qui j'avais été si gentille quand j'étais jeune fille, a pris une photo de moi et de M. Humbold sur les marches de l'Hôtel des Bains à Boulogne. Je l'ai vue faire et je me suis précipitée sur les marches pour l'arrêter. Elle a alors parlé gentiment, misérable hypocrite, et a dit que la plaque ne serait peut-être pas bonne lorsqu'elle serait développée et que, si c'était le cas, elle la détruirait. Je ne devais pas m'inquiéter, elle s'arrangerait pour me le faire savoir dans la rubrique « Courrier du cœur » du West of England Times, que je pourrais voir tous les jours puisque je rentrais au château de Bristol pour rester avec mes parents, mais elle ne se doutait pas de l'effet qu'aurait sur moi toute cette comédie. « Oh, c'est une méchante fille, n'est-ce pas, pour m'inquiéter ainsi ?» Et, une fois de plus, le mouchoir en dentelle trouva le chemin de la plus belle paire d'yeux bleus que j'ai jamais vue, je crois. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, même si j'étais vraiment désolée pour cette chère petite chose stupide et émotive. Et, au lieu d'être rassurée par le West of England Times, vous avez trouvé une demande de réunion secrète dans une gare de campagne ? Oui, et quand je m'y suis rendue, terrifiée à l'idée d'être vue, Jane Turner ne m'a pas accueillie elle-même. Sa mère est venue et a immédiatement parlé de vendre la photographie à mon mari ou à ma belle-mère. Elle a dit qu'elle valait 4 000 livres pour Jane et qu'elle avait conseillé à sa fille de ne pas me la vendre pour moins que cela. Qu'avez-vous répondu ? Après bien des discussions, il a été convenu que je paierais à Jane 250 livres par an sur mon allocation vestimentaire. Elle garderait le négatif comme garantie, mais promettait de ne jamais le laisser voir à qui que ce soit tant qu'elle recevrait son argent régulièrement. il fut également convenu que chaque fois que je resterai avec mes parents au château de Bristol, Jane me donnerait rendez-vous dans les colonnes du West of England Times et je devais alors payer les acomptes comme elle me l'avait demandé. J'aurais pu rire si l'affaire n'avait pas été aussi tragique, car la façon dont cette petite femme sotte et inoffensive s'était laissée intimider et escroquer par une paire de rapaces dépassait l'entendement. « Et cela dure depuis plus d'un an, » commenta gravement Lady Molly. « Oui, mais je n'ai jamais revu Jane Turner. C'est toujours sa mère qui est venue. »« Vous connaissiez sa mère avant cela, je suppose ?»« Oh non, je ne connaissais Jane que parce qu'elle avait été aide-couturière au château il y a quelques années. »« Je vois, » dit lentement Lady Molly, « comment était la femme que vous rencontriez dans les gares et à qui vous remettiez l'argent de Mademoiselle Turner ?» « Oh, je ne pourrais pas vous dire comment elle était, je ne l'ai jamais vue correctement !»« Vous ne l'avez jamais vue correctement ?» s'exclama Lady Molly, avec, me semblait-il, une certaine exaltation dans le ton. « Non, » répondit la petite comtesse avec dépit. « Elle choisissait toujours une heure tardive, et les petites gares de cette ligne sont très mal éclairées. » J'avais tant de mal à quitter la maison sans susciter de commentaires que je la suppliais de me laisser la rejoindre à une heure plus convenable. Mais elle refusait toujours. Lady Molly demeura pensive pendant un moment, puis elle demanda brusquement « Pourquoi ne pas poursuivre Jane Turner pour chantage ?»« Oh, je n'osais pas, je n'osais pas !» s'écria la petite comtesse, véritablement terrorisée. « Mon mari ne me l'aurait jamais pardonné et ses relations féminines en auraient profité par la suite pour élargir la brèche qui nous sépare. C'est à cause de l'article paru dans le journal de Londres au sujet de l'agression de Jane Turner, on parlait d'un indice et de développement surprenant, que j'ai été terrifiée et que je me suis rendue à Scotland Yard. « Oh non, non, non ! Promettez-moi que mon nom ne sera pas mêlé à cette affaire ! Cela me ruinerait à jamais !» Elle sanglotait maintenant. Son chagrin et sa peur étaient très pathétiques à voir, et elle gémissait à travers ses sanglots. « Ces méchants savent que je n'ose pas prendre le risque d'être démasquée, et ils s'attaquent à moi comme des vampires à cause de cela !» La dernière fois que j'ai vu la vieille femme, je lui ai dit que j'allais tout avouer à mon mari. Je ne pouvais pas supporter de continuer ainsi. Mais elle n'a fait que rire. Elle savait que je n'oserais jamais. Quand était-ce ? Demanda Lady Molly. Il y a environ 3 semaines, juste avant que Jane Turner ne soit agressée et qu'on lui vole les photos. Comment savez-vous qu'on lui a volé les photos ? « Elle me l'a écrit et me l'a dit !» répondit la jeune comtesse, qui semblait étrangement impressionnée par la question sérieuse de ma chère Lady. Elle sortit d'un délicat réticule en morceaux de papier dont la surface froissée portait les traces de nombreuses larmes amères. Elle le tendit à Lady Molly qui le prit. C'était une lettre dactylographiée qui ne portait pas de signature. Lady Molly la parcourut d'abord en silence, puis elle me lut son contenu à haute voix. « A.S. A.S., la comtesse de Hohengebirg. Vous pensez que je vous ai inquiété ces 12 derniers mois au sujet de votre aventure avec M. Rumbold à Boulogne. Mais ce n'est pas moi, c'est quelqu'un qui a du pouvoir sur moi et qui connaissait l'existence de la photographie. Il m'a poussé à agir comme je l'ai fait. Mais tant que je gardais la photo, vous étiez en sécurité. » Maintenant, il m'a agressé et presque tué, et il a emporté le négatif. Je peux et je vais le lui reprendre, mais cela implique une forte dépense. Pouvez-vous débourser 1000 livres ? Quand l'avez-vous reçu ? Demanda Lady Molly. Il y a 2 jours seulement, répondit la comtesse. Et, oh, j'ai vécu dans le doute et dans la peur pendant les 3 dernières semaines. « Car je n'avais pas eu des nouvelles de Jane depuis l'agression et je me demandais ce qui s'était passé. »« Vous n'avez pas envoyé de réponse, j'espère. »« J'allais le faire quand j'ai vu l'article dans le journal de Londres et la crainte que tout ait été découvert m'a jeté dans un tel état d'anxiété que je suis monté directement en ville et que j'ai vu le gentleman de Scotland Yard qui m'a envoyé vers vous. « Oh » supplia-t-elle encore et encore, « vous ne ferez rien qui puisse causer un scandale. Promettez-moi, promettez-moi. Je crois que je pourrais me suicider plutôt que de l'affronter et je pourrais trouver 1000 livres. » « Je ne pense pas que vous ayez besoin de faire l'un ou l'autre, » dit Lady Molly. « Maintenant, puis-je réfléchir tranquillement, de mon côté, à toute l'affaire ?» ajouta-t-elle. « Et en parler avec mon amie ici présente, je pourrais peut-être vous annoncer de bonnes nouvelles sous peu. » Elle se leva en indiquant gentiment que l'entretien était terminé. Mais ce n'était pas encore le cas, car il y eut encore beaucoup de supplications et de larmes d'un côté et des assurances réitérées de l'autre. Cependant, lorsque, quelques 10 minutes plus tard, les délicats nuages de dentelle et de mousseline s'envolèrent enfin hors de notre bureau, nous avions toutes deux le sentiment que la pauvre petite dame, inoffensive et indiciblement idiote, semblait nettement consolée et plus heureuse qu'elle ne l'avait été au cours des 12 derniers mois. 4. Oui, elle s'est comportée en vraie petite poule mouillée, me dit Lady Molly 1 heure plus tard, alors que nous déjeunions. Mais cette Jane Turner est une fille remarquablement intelligente. Je suppose que tu penses, comme moi, que la mystérieuse femme âgée, qui semble s'être fait passer pour la mère tout au long de l'histoire, était une complice de Jane Turner et que l'agression était un coup monté entre elles, ai-je dit. L'inspecteur d'Anvers sera ravi car cette théorie se rapproche de la sienne. Ma remarque n'appela pas d'autre commentaire qu'un « hum ». Je suis sûre que c'était Arthur Cutbush, l'amoureux de la jeune fille, après tout, répliquai-je vivement. Et tu verras que, confronté aux preuves récoltées, son alibi au moment de l'agression ne tiendra pas. De plus, maintenant, ajoutai-je triomphalement, nous connaissons ce qui nous manquait depuis le début, le mobile. Ah, dit Milady, souriant à mon enthousiasme. C'est comme ça que tu défends ton point de vue, Mary, n'est-ce pas? Oui, et à mon avis, la seule question en suspens est de savoir si Arthur Cutbush a agi de connivence avec Jane Turner ou contre elle. Eh bien, supposons que nous allions élucider ce point et quelques autres tout de suite, conclut Lady Molly en se levant de table. Elle décida de retourner à Bristol le soir même. Nous devions partir à 20h50 et j'étais en train de me préparer. Le taxi était déjà à la porte quand je fus quelque peu surprise par l'apparition soudaine dans ma chambre d'une vieille dame très joliment habillée avec des cheveux blancs comme neige coiffée haut sur un visage sévère et intéressant. Un rire joyeux et perlé sortit de la bouche ridée et un examen plus attentif de ma part révéla bientôt l'identité de ma chère lady, habillée comme une grande dame extrêmement digne de l'ancienne école, tandis qu'une paire de longues boucles d'oreilles à l'ancienne donnait un aspect curieux et étranger à toute sa physionomie. Je n'ai vraiment pas compris pourquoi elle avait choisi d'arriver au grand hôtel de Bristol sous ce déguisement particulier, ni pourquoi elle nous avait inscrites dans le registre de l'hôtel en tant que grande duchesse et princesse Amalie von Sarrebourg d'Allemagne. Elle ne m'a rien dit non plus ce soir-là. Mais l'après-midi suivant, lorsque nous sommes partis ensemble dans une calèche, j'étais parfaitement au courant du rôle que j'avais à jouer. Milady m'avait fait revêtir une de ses très riches robes de soie noire et m'avait ordonné de me coiffer à la mode ancienne avec une raie et un chignon à l'arrière du crâne. Elle-même ressemblait plus que jamais à la royauté voyageante incognito et il n'est pas étonnant que les petits-enfants et les garçons des commerçants nous aient regardés, bouche bée, lorsque nous sommes descendus de notre calèche devant l'une des petites maisons de Bread Street à l'allure mesquine. En réponse à notre appel, une petite servante mal dégrossie ouvrit la porte et Milady lui demanda si Mademoiselle Jane Turner habitait ici et si elle était là. « Oui, Mademoiselle Turner habite ici, et comme c'est jeudi et qu'elle termine le travail de bonne heure, elle est déjà rentrée. »« Alors dites-lui, s'il vous plaît, » dit Lady Molly avec grande éloquence, « que la grande duchesse douairière de Sarrebourg-Neuheim et la princesse Amalie désirent la voir. » La pauvre petite servante faillit tomber à la renverse d'étonnement. Elle poussa un « Crénom !» puis s'élança dans les trois passages et monta l'escalier raide, suivi de près par ma chère Lady et moi-même. Sur le palier du premier étage, la jeune fille, avec une hâte nerveuse, frappa à une porte, l'ouvrit et marmonna à demi-voix « Ces dames désirent vous voir, mademoiselle !» Puis elle s'est enfuie incontinent à l'étage. Je n'ai jamais pu déterminer si cette fille nous prenait pour des folles, des fantômes ou des criminels. Mais déjà, Lady Molly était entrée dans la pièce où Mademoiselle Jane Turner était apparemment assise en train de lire un roman. Elle se leva d'un bond lorsque nous entrâmes et regarda, les yeux grands ouverts, les magnifiques apparitions. Ce n'était pas une vilaine fille, si ce n'est le regard provocateur et audacieux de ses yeux noirs et l'apparence générale de sa personne. « Je vous en prie, ne vous dérangez pas, Mademoiselle Turner !» dit Lady Molly dans un anglais approximatif, en s'enfonçant dans une chaise et en me faisant signe de faire de même. « Je vous en prie, asseyez-vous, je serai brève. Vous avez une photographie compromettante, n'est-ce pas, de ma belle-fille ?» La comtesse de Hohengebirg. Je suis la grande duchesse de Sarrebourg-Neuheim et voici ma fille, la princesse Amalie. Nous sommes ici incognito. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Et, avec une élégance de geste inimitable, ma chère Lady porta une paire de lorgnons à ses yeux et les fixa sur la figure tremblante de Jane Turner. Jamais je n'avais vu la suspicion, voire la terreur, se dessiner aussi clairement sur un jeune visage, mais je rendrai à la jeune fille la justice de dire qu'elle se ressaisit avec une force de volonté impressionnante. Elle lutta contre le respect qu'elle éprouvait pour cette grande dame, ou plutôt, devrais-je dire, que le manque de respect de la classe moyenne britannique pour la supériorité sociale, surtout si elle est étrangère, la mettait maintenant en bonne position. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » dit-elle avec un geste arrogant de la tête. « C'est un mensonge, n'est-ce pas ?» répliqua calmement Lady Molly en tirant de son réticule la lettre dactylographiée que Jane Turner avait envoyée à la comtesse de Hohengebirg. « C'est ce que vous avez écrit à ma belle-fille. La lettre m'est parvenue à sa place. Elle m'intéresse beaucoup. » Je vous donnerai 200 livres pour la photographie d'elle et de M. Humboldt. Vous me la vendrez pour cette somme, n'est-ce pas ? La production de la lettre avait quelque peu refroidi l'esprit audacieux de Jane. Mais elle n'en restait pas moins défiante. « Je n'ai pas la photographie ici, » dit-elle. « Ah non ? Mais vous l'aurez, n'est-ce pas ? » dit Milady en replaçant tranquillement la lettre dans son réticule. « Dans cette lettre, vous proposez de la rendre pour 1000 livres. »« Je vous en donnerai 2000. Aujourd'hui est un jour de congé pour vous. Vous obtiendrez la photographie de l'homme, non ? Et je resterai ici jusqu'à votre retour. » Sur ce, elle réarrangea ses jupes autour d'elle et croisa les mains placidement comme quelqu'un qui se prépare à attendre. « Je n'ai pas la photographie !» répéta Jane Turner obstinément, « et je ne peux pas la voir aujourd'hui. La personne qui la possède ne vit pas à Bristol. »« Non ? Ah, mais c'est tout près, n'est-ce pas ? » répliqua Milady placidement. « Je peux attendre toute la journée. » »« Non, vous ne le pouvez pas !» rétorqua Jane Turner, dont la voix tremblait maintenant d'une rage ou d'une peur évidente, « je n'arrivais pas à trancher. » « Je ne peux pas obtenir la photographie aujourd'hui, alors voilà. Et je ne vous la vendrai pas, je ne la vendrai pas. Je ne veux pas de vos 2000 livres. Comment puis-je savoir que vous n'êtes pas une usurpatrice ?»« De cette manière, ma bonne fille, » dit Lady Molly tranquillement, « que si je quitte cette pièce sans la photographie, je vais directement à la police avec cette lettre et vous serez poursuivi par le grand-duc, mon fils, pour chantage à l'égard de sa femme. Vous voyez, je ne suis pas comme ma belle-fille, je n'ai pas peur du scandale. Alors, vous irez chercher la photo, n'est-ce pas ? Moi et la princesse Amalie attendrons ici. C'est votre chambre à coucher, non ? Ajouta-t-elle en montrant une porte qui donnait manifestement sur une chambre. Vous pouvez mettre votre chapeau et partir tout de suite, s'il vous plaît. 2000 livres ou 2 ans de prison. Vous avez le choix, n'est-ce pas ? Jane Turner essayait de garder son air de défi, regardant Lady Molly en face. Mais, moi qui l'observais, je pouvais voir l'audace de ses yeux céder peu à peu la place à la peur, puis à la terreur et même au désespoir. Le visage de la jeune fille semblait littéralement vieillir à mesure que je le regardais, pâle, hagard et tiré, tandis que Lady Molly gardait ses yeux sévères et lumineux fixés fermement devant elle. Puis, avec un geste curieux, sauvage, qui me remplit d'une peur sans nom, Jane Turner tourna les talons et s'enfuit dans la chambre. Il s'ensuivit un moment de silence. Pour moi, il était tendu et angoissant. Je tendais l'oreille pour entendre ce qui se passait dans la pièce. L'étrange regard d'attente dans ses beaux yeux montrait que ma chère Lady n'était pas aussi insensible qu'elle voulait le paraître. Les minutes s'écoulaient, je n'aurais pu dire par la suite combien elles étaient nombreuses. J'étais consciente du tic-tac monotone d'une horloge sur la cheminée miteuse, d'un garçon de course qui criait à tue-tête à l'extérieur, du pas mesuré du cheval de fiacre qui nous avait amenés jusqu'ici et qui arpentait la rue. Puis, tout à coup, il y eut un violent fracas, comme si un lourd meuble était jeté à terre. Je ne pus réprimer un cri, car mes nerfs étaient maintenant terriblement éprouvés. « Vite, Mary, la chambre !» dit Lady Molly. « Je pensais bien que la fille pourrait faire ça. » Je n'osais pas m'arrêter pour demander ce que ça voulait dire, mais je me précipitai vers la porte. Elle était fermée à clé. « En bas, vite !» ordonna Milady. « J'ai demandé à Danvers de faire le guet à l'extérieur. » Vous pouvez imaginer comment je me suis envolée et comment j'ai béni la prévoyance de ma chère Lady au milieu de son plan audacieux quand, après avoir littéralement arraché la porte d'entrée, je vis l'inspecteur Danvers en civil patrouillant calmement dans la rue. Je lui fis signe, il était aux aguets et, ensemble, nous rentrâmes en courant dans la maison. Heureusement, le propriétaire et la domestique étaient occupés au sous-sol et n'avaient ni entendu le fracas, ni vu que je courais à la recherche de Danvers. Ma chère Lady était encore seule dans le salon miteux, penchée sur la porte de la chambre, l'oreille collée au trou de la serrure. « Il n'est pas trop tard, je crois, » murmura-t-elle précipitamment. « Ouvrez-la, Danvers !» Danvers, qui est un homme grand et fort, ne tarda pas à mettre un coup d'épaule à la porte branlante qui céda au premier coup. Le spectacle qui s'offrit à nous me remplit d'horreur, car je n'avais jamais vu une telle tragédie. La malheureuse fille, Jane Turner, avait attaché une corde à un anneau du plafond qui, je suppose, contenait autrefois un lustre. L'autre extrémité de cette corde avait été transformée en nœud coulant et passée autour de son cou. Elle était apparemment grimpée sur une table, puis avait fait de son mieux pour mettre fin à ses jours en écartant la table d'un coup de pied. C'était ce fracas que nous avions entendu et qui nous avait poussés à venir à son secours. Heureusement, ses pieds s'étaient accrochés au dossier d'une chaise voisine. Le nœud coulant l'étranglait et son visage était horrible à voir, mais elle n'était pas morte. Danvers ne tarda pas à la faire descendre. Il est secouriste et avait déjà fait ce genre de travail terrible. Dès que la jeune fille se fut partiellement rétablie, Lady Molly nous fit sortir de la pièce, lui et moi. Dans le salon sombre et poussiéreux, où, il y a quelques instants à peine, j'avais joué mon petit rôle dans une sinistre comédie, j'attendais maintenant d'en connaître la suite. D'Anvers était parti depuis un certain temps et le soir commençait à tomber. À l'extérieur, la rue à l'aspect mesquin était particulièrement lugubre. Il était près de 6 heures lorsque j'entendis enfin le bruissement bienvenu des soies, l'ouverture d'une porte et enfin ma chère Lady, l'air grave mais serein, sortit de la chambre et, me faisant signe, sans un mot, me conduisit hors de la maison et dans la calèche qui attendait toujours à la porte. « Nous allons lui envoyer un médecin !» furent ses premiers mots dès que nous eûmes quitté Bread Street. « Mais elle va très bien maintenant, si ce n'est qu'elle a besoin d'une bonne nuit de sommeil. Elle a été assez punie, je crois. Elle n'essaiera plus de faire du chantage. » « La photo n'a donc jamais existé ?» demandai-je étonné. « Non, la plaque n'a rien révélé, mais Diane Turner n'a pas renoncé si facilement à l'idée de soutirer de l'argent à la pauvre comtesse craintive. Nous savons comment elle a réussi à terroriser cette petite femme stupide. C'est merveilleux de voir à quel point une fille comme elle a réussi à mettre au point un plan aussi compliqué, toute seule. Toute seule ? Oui, il n'y avait personne d'autre. C'était la vieille femme qui avait l'habitude de rencontrer la comtesse et qui sonnait à la porte d'entrée de l'appartement de Weston. Elle a organisé toute la mise en scène de l'agression sur elle-même, toute seule, et a entraîné tout le monde avec elle, c'était si parfaitement fait. Elle l'a préparée et exécutée parce qu'elle craignait que la petite comtesse ne soit poussée à avouer sa folie à son mari ou à ses propres parents, ce qui entraînerait inévitablement des poursuites pour chantage. Elle a donc tout risqué dans un grand coup et a presque réussi à obtenir 1000 livres de son Altesse Sérénissime, voulant la rassurer, dès qu'elle aurait l'argent, par l'affirmation que le négatif et les épreuves avaient été détruits. Mais l'apparition de la grande duchesse de Sardour-Narouen cet après-midi l'a effrayée et l'a conduite à un acte de désespoir. Confrontée à l'accusation qu'elle redoutait et à la prison qu'elle n'osait pas affronter, elle a, dans un moment de folie, tenté de mettre fin à ses jours. Je suppose que, maintenant, toute l'affaire sera étouffée ? Oui, répondit Lady Molly avec un soupir mélancolique. Le public ne saura jamais qui a agressé Jane Turner. Elle était naturellement un peu triste à ce propos. Mais ce fut une joie de l'avoir le jour où elle put assurer à son Altesse Sérénissime, la comtesse de Hohengebirg, qu'elle n'aurait jamais plus à craindre les conséquences de la folie de ce jour fatal. Fin de la nouvelle d'Emma Orczy, une journée d'égarement.